39, activation, oral discrimination of il, elle. Listen to the following sentences. Observe the distinction between il and elle and check the appropriate box. 1. Elle va bien. 2. Il va bien. 3. Il va à la fac. 4. Elle va à la bibli. 5. Elle mange. 6. Il mange. 7. Il écoute. 8. Elle écoute. 9. Elle est malade. 10. Il est malade. 11. Elle est malade. 12. Elle est professeure. 13. Il est professeur. 14. Il parle français. 15. Elle parle français. 16. Il parle italien.